Radio. Archidou. Archicool. La radio du festival Archipel. Archichouette. En direct. De 10h à midi. Archinul. Sur Archipel. Archifort. Archilon.org. Bonjour Archi Radio. Bonjour. Salut. Bonjour Simon. Bonjour Clara. Bonjour Payne. Bonjour Rudy. Coucou. On est à la dernière épisode de Archi Radio. Oh là là, on est triste un peu. Moi, j'ai déjà la mélancolie. Hein. Ouais, on essayait de se dire tout à l'heure qu'est-ce qu'on va faire demain matin qu'on va plus voir. Hein. Parce que là, on avait pris l'habitude de se dire à demain. À demain, Vincent. Mais c'est fini. Ouais. On se dira à l'année prochaine, peut-être. Peut-être. Peut-être. Alors. Peut-être qu'on n'a juste rien compris et qu'il nous reste 10 jours encore. Ah oui, Ah oui, c'est comme les jeux Squid Game. On ne pourra plus sortir d'ici. Déjà, il n'y a pas de fenêtre dans cette radio. Ah oui. Bon, mais il y a un joli éclairage et puis un lapin lumineux, alors ça va. Tout à fait, oui. Et puis on a notre fenêtre radiophonique pour se mettre en contact avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé hier, samedi 9 avril? Qui a vu ou écouté quelque chose? Bah, je crois qu'on a tous été un peu à une grande partie des concerts, parce que c'était une journée assez riche et animée. Pour ma part, j'ai vu World Music et puis le concert de Rachid Becker au Salon d'écoute. Moi, je crois que c'était un peu les deux moments forts pour moi de ce festival, enfin en tout cas qui ont été des expériences assez puissantes. Donc World Music, c'était avec... Max Isley, oui. Steve Beresford et David Toop. Exactement, donc on avait vu hier matin et donc en fait ils ont repris une performance qu'ils avaient jouée en 1978 où ils faisaient tournoyer des objets, des jouets, des crécelles, des tuyaux. Des cordes. Voilà, et en fait, moi j'ai juste été happée par la poésie des sons, par le plaisir en fait ludique de ces sons et de les voir jouer avec. Et puis des fois, il y a des côtés un peu impressionnants parce que c'était des grandes tiges de métal qui faisaient tournoyer autour de leur tête. Et je me disais, mon Dieu, mais j'espère que personne ne va se le prendre dans la figure. C'était assez hypnotique. Ouais, ils ont dû installer un filet tout autour de la performance pour, entre guillemets, protéger le public d'éventuels... fracture cérébrale. Et ils étaient masqués, ils avaient des masques, c'était comme une sorte de panier de d'osier, ouais. Ouais, sur la tête, et c'était assez scénographique. Ouais, puis ils avaient les 5 spots comme ça de lumière, donc se déplacer entre l'ombre et la lumière. Et je ne sais pas, Simon, si toi tu veux dire quelques mots de ce que tu as vu hier. Je trouvais ça, moi vraiment c'était la performance qui m'a le plus touché, je pense. Et puis surtout que voilà, c'est une performance qui a été faite en 78, c'est ça ? Et qu'elle soit réactivée maintenant par des jeunes étudiants, je trouvais ça assez touchant. Oui, voilà, parce qu'en fait le projet a été, on a demandé à des étudiants de l'EDA, donc l'école d'art du Valais, d'interpréter cette performance avec Oren Ambarchi et Anne Rocha, qui sont un musicien et une performeuse. Oui, parce que c'est assez physique comme performance, donc ça demande de la résistance. Et c'est vrai que nos trois chers... ne sont plus tout jeunes. Ne sont plus tout jeunes. Peut-être qu'ils n'auraient pas pu durer, parce que ça a duré quand même en trentaine, quarantaine de minutes, la performance. Exactement, ouais. C'était 35 minutes. J'étais à l'enregistreur et capter. Ouais, du coup, ça tournait. Mais c'était assez beau de les voir à la fin avec justement les étudiants. Et, ils avaient l'air d'être heureux, quoi, de ça. Et puis il y a une dernière chose moi que j'ai beaucoup aimé dans cette performance, c'est que à la fin on pouvait aller sur scène et les essayer les objets qui tournaient et ça donne plein d'idées en fait, ça donne envie de faire de l'espionnage industriel et puis de reprendre toutes leurs idées pour faire des sons incroyables, quoi. Moi j'ai pas vu, il y a des gens qui ont fait ça. Toi t'es allé sur moi j'y suis allé et puis on était tous assez émerveillés à se dire ah mais alors ça en fait c'est un bout de caoutchouc et un bout de métal et c'est en fait ça fait ce son fabuleux, quoi. Ouais. Et après, le dernier concert de hier soir, c'était une diffusion de Rachid Becker qui rediffusait un mixage de musique de Guedalia Tazartes et en composition à lui en s'inspirant de Tazartes. Perrine, toi, tu étais là à voir, écouter, pardon, parce qu'on était tous un peu allongés dans la nuit. Oui, j'étais là. Et moi, j'aime beaucoup Tazartes déjà à la base. Donc là, de l'écouter dans des super enceintes et dans des conditions extrêmement bonnes, c'était vraiment, vraiment merveilleux. Et puis, c'était assez intéressant parce qu'elle a vraiment fait comment dire, des superpositions de morceaux de Tazartes où elle les a mixés et remixés. Du coup, il y avait des nouveautés qui se sont créées. C'était assez rythmé aussi parfois. Et toi, tu connaissais Tazartes? Oui, Ah ouais. Oui. Et après, il y a eu la diffusion qui était très différente quand même de Tazartes, des œuvres de Rachid Becker. Ouais. Et qui était un peu plus planant pour moi. Oui, mais... oui. Ça restait magmatique quand même, non? Ça bouillonnait comme ça. Moi, ça m'a assez renversé, cette diffusion dans la salle. Peut-être que c'était aussi l'heure, la fin du festival et tout ça, mais c'était assez impressionnant. Oui, c'était la dernière diffusion dans cet espace. C'était hier soir, le dernier concert. Ah, ils vont il y a pas démonter, ce là. Soir, ouais, dans la Cousmonium. Ah oui, parce que Oren, il va jouer dans le carré. Bon, on fera le programme tout à l'heure. Simon, qu'est-ce qu'il y a là sur le planning? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, tout de suite, maintenant, on va écouter la capsule du résumé de la journée d'hier. On n'a pas entendu. On va écouter la capsule qui résume la journée d'hier. Des extraits. Des extraits de la journée d'hier, un petit aperçu sonore. On y va. Italien qui a créé une discipline de recherche, c'est la neurophysiologie des plantes, c'est-à-dire les plantes sont considérées comme étant des êtres sensibles, sensitifs. Moi-même, j'ai travaillé aussi sur l'électrobiologie des plantes en mettant des électrodes, mais pas beaucoup de choses. Et Stefano Mancuso a observé les racines des arbres, là je suis juste avant la sève même. Qui sera absorbé par, qui sera envoyé par les racines. Tout d'abord, c'est de l'eau. Donc Mancuso a observé les racines dans le sol. Et, d'un côté, il a fait couler de l'eau. Et les racines, on voit qu'elles vont du côté de l'eau. Parce que physiologiquement, c'est clair, il y a un gradient d'humidité qui c'est l'égal du côté où il y a de l'eau, donc les racines centrent, c'est le radien d'une unité. Ça, c'était de la physiologie classique que tout le monde connaissait déjà. Alors, l'idée géniale que Mancuso a eue, c'est d'enlever ce flux d'eau, de mettre à la place un haut-parleur, et il a mis le bruit de l'eau. Et les racines sont allées vers le haut-parleur. Mmh. Donc ça, c'est énorme. Mmh. Très beau montage, j'ai beaucoup aimé le mélange entre avec les objets qui tournent. Monsieur d'ailleurs, Ernst Zürcher, qui hier a fait une discussion autour des énergies des arbres, avec Olga Kocharova qui a fait aussi un travail sur le bois. D'ailleurs, Ernst Zürcher, je l'ai revu. Parce que je l'avais vu le soir sur Arte, par tout hasard. Le lendemain, je l'ai rencontré par tout hasard dans les couloirs, sans savoir qu'il serait venu. Et puis l'après-midi, je suis rentré vite chez moi, et j'ai ouvert le courrier, et il y avait un article avec lui en photo. Oui, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. T'inventes. C'est vrai. Il m'a poursuivi, Ernst Zürcher. C'est inquiétant. Je le trouve très fascinant, mais c'est vrai que ça est rentré dans ma vie assez c'est assez violemment, on dans un espace très court. Donc ça, c'était une capsule que vous avez fait ensemble, Perrine. Ouais. Oui. Ouais. Voilà. Et puis, en fond sonore, on avait la performance de World. Qui prononce bien ça, ouais. Non, pas moi, mais en tout cas hier, ils insistaient sur le World. Ah ouais, exact, ouais. Oui, parce qu'il y a un peu une confusion avec world music. Ouais, ouais. Mais du coup, j'ai pas compris. Ils touchaient le bois pendant qu'ils discutaient, ou ils touchaient la chaise. Mais, ou oui, c'est ça. Pendant la conférence, ils ont fait un morceau de bois, ouais. Il y a un luthier qui était là aussi, et il a fait passer un morceau de bois parce qu'il dit que ça commence comme ça, qu'on écoute le bois avant de. Enfin, on choisit le bois en l'écoutant, hein, pour faire l'instrument. Et il a fait passer un morceau de bois, oui. C'est peut-être qui trouble un petit peu la compréhension. Mais c'est génial, parce qu'on dirait qu'il est à côté du micro, ce qui doit être le cas. Le bois devait être plus proche que le conférencier. Mais effectivement, ça donne un rapport spatial assez étrange. Bravo. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce matin dans cette dernière journée de radio? On aura encore plusieurs invités. Simon, tu sais qui alors, on a ce matin? On va recevoir... Oui, pardon. Désolé, j'ai un problème avec mon micro. Les invités du jour, ça va être Gwen Rouget, qui est ici présent, qui nous a rejoint. Oren Ambarchi et Nicolas Field. Voilà, Oren Ambarchi qui fera aussi le salon d'écoute, diffusion d'écoute à midi, sera interviewé par Nicolas Field, percussionniste, artiste sonore, habitant à Genève. Et on aura un documentaire sur Alvin Lucier, ou sur différents... C'est pas un documentaire vraiment, c'est plutôt une petite... C'est un DJ set. Voilà, exactement. Voilà, c'est un DJ set sur Alvin Lucier. Et puis on aura aussi un deuxième DJ set pour terminer en beauté cette dernière émission radio avec nos Patrice Caillé et Jérôme Poré, qui vont aujourd'hui exclusivement mélanger leur surface sonore. Je ne sais pas, peut-être on aura le droit à quelques petits mouvements de danse. On aura le tutosonique de Jérémy Chevalier et tout de suite la librairie avec Vincent Derouguin et Doris.